Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. On va parler de golf avec notre ami Michel Lallemand. Salut Michel! Bonjour Danny! Michel, il y avait un petit tournoi hier, c'est la Saint-Jean-Baptiste, il y avait un petit tournoi. Oui, mais dans le cadre de la Saint-Jean-Baptiste, On a offert aux membres et aux non-membres s'ils voulaient jouer, on a organisé une petite compétition amicale. Donc, une trentaine de participants. Okay. On a réparti en 8 équipes en Calcutta. On a quand même eu des bonnes performances. 2 équipes qui ont terminé à -11. Okay. Donc, et dans le cas de la COVID, c'est bon. Ça commence à bouger. Ah, c'est bon. C'est -11. OK. Puis hier, c'était quand même... Ben, il mouillait hier. Je sais pas dans votre coin, là, mais je sais qu'il mouillait pas mal hier. Fait que... Ça a dû être pas mal. Donc, chez nous, c'était beau. Ouais. On a eu un orage, là, en fin d'après-midi. Okay. Puis, il a mouillé beaucoup plus tard en soirée. On peut dire que c'est de l'or qui tombe quand il pleut, hein? Regarde, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui s'est passé. En fin de semaine également, il y avait la première Coupe des champions. Oui, première Coupe des champions qui a eu lieu samedi dernier. Ouais. En classant... Encore une fois, notre ami Marc-Olivier Bougy, avec 75. Okay. En classe 2B, Région Côté, 76. Puis en classe B, Nelson Maltais, 91. Okay, 91. 28 joueurs qui ont participé. C'est sensiblement un peu plus que les dernières années. Okay. Puis on dirait là, qu'on a une relance au niveau du golf de compétition, beaucoup plus de jeunes. Donc, peut-être un intérêt nouveau à venir. OK. Donc, évidemment, peut-être aussi avec le soccer n'est pas vraiment là. Le sport, la balle molle va recommencer la semaine prochaine. C'est peut-être, je ne sais pas s'il y a de la balle molle à Chibougamau aussi, puis il y a du soccer. C'est peut-être ça qui explique ça, là. Oui, c'est ça. Puis ici, il faut dire que les reins ont quand même... Ils ont quand même accès à leur territoire là, de pêche, puis beaucoup de chalets. Mais à date, là, beaucoup de jeunes, on dirait, là, des jeunes étudiants, grande majorité, qui faisaient effectivement là, du soccer, de la balle, okay, qui sont au golf. Beaucoup de clientèle amérindienne dans les fins d'après-midi. À date, là, effectivement, on est très, très bon début de saison. On est bien content de ça. OK. Parle-moi maintenant du côté de le tournoi d'ouverture qui a lieu en fin de semaine. Ça va avoir lieu effectivement samedi. Ouais. C'est un tournoi qui est réservé pour les membres. C'est aussi une formule Calcutta. Okay. On attend une cinquantaine de participants. Okay. Ça va lancer la saison. En même temps, on va tracer les grandes lignes des quelques compétitions qu'on va avoir pour l'été. Puis... comme on peut faire des rassemblements distanciés, 50 personnes pour nous, c'est parfait. Là, le bar est rouvert, hein? Le bar du restaurant est ouvert, okay, mais les bars comme tels, salle de réception, c'est fermé encore. OK. Dis-moi, du côté des green fees, de ces affaires-là, c'est-tu bon? Ça roule-tu? Comment ça va, là? C'est probablement une des meilleures années là, au cours des 4-5 dernières années. Okay. Puis comme je te disais, c'est principalement la clientèle amérindienne. Okay, okay. Beaucoup de jeunes dans la trentaine, là, entre 25 et 35 ans, qui ont découvert le golf. Plusieurs aussi des étudiants de l'extérieur qui reviennent dans les communautés. Beaucoup d'achalandage. On est très satisfaits. OK. Ben Michel, on se reparle la semaine prochaine. On rappelle que cette chronique est une commandite justement du club de golf de Chibougamau.